maintenant, si vous voulez dire « j'ai acheté cela », comment dites-vous « j'ai » ? Ich habe. Avoir est comme un plongeoir qui vous donne la possibilité de plonger dans le passé, comme dans « j'ai acheté », où on a « j'ai » qui permet de plonger dans le passé qui est « acheté ». J'ai acheté. Quand on plonge ainsi dans le passé, « kaufen » prend la forme « gekauft ». Et c'est la même chose pour la plupart des verbes allemands. « Gekauft », c'est-à-dire qu'on prend la forme qu'a le verbe avec « er »,« sie » et « s », et qu'on ajoute « ge » devant, ce qui donne « gekauft ». « Gekauft », ça s'écrit « g-e-k-a-u-f-t ». Donc, « j'ai acheté cela » se dit « Ich habe es gekauft. Gekauft. Il faut entendre bien distinctement la terminaison. Gekauft. Alors, reprenez la phrase en entier. J'ai acheté cela. Ich habe es gekauft. Bien. Ich habe es gekauft. Comment diriez-vous « je n'ai pas acheté cela » ? Ich habe es gekauft nicht. Pas tout à fait. Il faut placer nicht devant ce qui est nié, donc devant gekauft. Donc, je n'ai pas acheté cela. Ich habe es nicht gekauft. Ich habe es nicht gekauft. C'est ça, avec gekauft placé après nicht en fin de phrase. Encore se traduit noch, N-O-C-H. Pour dire quelque chose d'autre, en allemand, on dira encore quelque chose, c'est-à-dire noch etwas. Noch etwas, oui. Donc, j'en veux encore, littéralement, je veux encore quelque chose, ça sera Ich will noch etwas. Bien, ich will noch etwas. Je veux manger quelque chose d'autre, c'est-à-dire en allemand, encore quelque chose. Ich will noch etwas essen. Ich will noch etwas essen. Oui, et si vous voulez dire encore un peu, vous direz en allemand noch ein wenig. Noch ein wenig. Wenig, ça veut dire peu, une petite quantité. Donc, encore un peu, noch ein wenig. Ou noch ein bisschen. Der Bissen, c'est la bouchée, le morceau. Bisschen en est le diminutif et signifie donc petite bouchée, petit morceau. Donc, noch ein bisschen, c'est encore un peu, tout comme noch ein wenig. On a donc noch etwas, noch ein wenig, noch ein bisschen. Voilà pour noch. Et si vous voulez dire pas encore, vous direz noch nicht. Noch nicht. Par exemple, comment dira-t-on « il n'a pas encore acheté cela » ? Er hat. Il n'a pas encore acheté cela. Er hat es noch. Noch, oui. Noch nicht kaufen. Non, après toutes les formes du verbe avoir, comme d'ailleurs après celle du verbe être, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est plonger. Plonger dans le passé. Si vous ne le faites pas, alors il faudra placer à la fin de la phrase un deuxième et un troisième verbe à l'infinitif. Comme par exemple dans la phrase « Ich habe es kaufen wollen », ce qui signifie « j'ai voulu acheter cela ». Encore une fois, comment dit-on « il n'a pas encore acheté cela » ? « Er hat es noch nicht gekauft. » « Er hat es noch nicht gekauft. » Et comment direz-vous « pourquoi n'avez-vous pas encore acheté cela ?»« Warum haben Sie es noch nicht gekauft ?» C'est ça. « Warum haben Sie es noch nicht gekauft ?» Faire se dit « tun ». C'est exact. « Tun ». Mais il y a un autre verbe allemand pour dire « faire ». C'est « machen ». Ça s'écrit « M-A-C-H-E-N ». Machen, comme dans zumachen, fermer, aufmachen, ouvrir, weitermachen, continuer. Donc, faire se traduit tun ou machen. Machen, bien. Comment dit-on il fait cela? Macht es. Macht es, oui. Et dans la phrase il a fait cela, comment dit-on fait? Gemacht. Bien, gemacht. Alors, il a fait cela? Hat es gemacht? Hat es gemacht. Rire se dit lachen. C'est comme machen, mais avec un L au début à la place du M. Lachen. Comment diriez-vous il rit? Lacht. Lacht. Et il a ri? Hat gelacht. Hat gelacht. Après avoir, il a, on plonge dans le passé avec gelacht. Il a ri, hat gelacht.